Je suis l'antique Adam. J'aime, je sais, je sens. J'ai pris l'arbre de vie entre mes poings puissants. Joyeux, je le secoue au-dessus de ma tête, et comme si j'étais le vent de la tempête, j'agite ses rameaux d'oranges d'or chargés et je crie. Accourez, peuple, prenez, mangez. Et je fais sur leur front tomber toutes les pommes. Car, science, pour moi, pour mes fils, pour les hommes, ta sève à flot descend des cieux pleins de bonté, car la vie est ton fruit, racine éternité. Et tout germe, et tout croît, et fournaise agrandie, comme en une forêt court le rouge incendie, le beau progrès vermeil, l'œil sur l'azur fixé, marche, et tout en marchant, dévore le passé. Je veux, tout obéit, la matière inflexible cède, je suis égal presque au grand invisible. Coteau, je fais le vin comme lui fait le miel. Je lâche comme lui des globes dans le ciel. Je me fais un palais de ce qui fut ma geôle. J'attache un fil vivant d'un pôle à l'autre pôle. Je fais voler l'esprit sur l'aile de l'éclair.